Cours numéro 10. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira amma ba'd. قال الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه الفصل الخامس مشروعية الدعاء للإمام. Le cinquième chapitre de cette رسالة مفيدة عقيدة أهل الإسلام فيما يجب للإمام أي concernant les gouverneurs. Enfin, le cinquième chapitre أن faire الدعاء invoquer pour ce gouverneur c'est مشروع, c'est légiféré. قال رحمه الله صلاح الأئمة يعود على الناس والوطن بالصلاح. Ça c'est un point important pour comprendre ce chapitre. Un cet imam, ce gouverneur, ce roi, ce président, s'il est guidé, s'il accepte la vérité, s'il accepte le conseil, tout le monde va en profiter. لماذا؟ لأنه c'est l'amir. بإذن الله عز وجل c'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette menzila. C'est lui qui peut faire telle chose, ne pas faire telle chose. Donc, le fait qu'il soit à l'al-huda, tout le monde en profite. Falihada, c'est mashrou', c'est légiféré d'invoquer pour lui. Bel c'est matloub. On va voir que as-salaf considérait cela comme une alama min alamat as-sunni. Parmi les caractéristiques du sunni, annahu fait dua pour eux, le gouverneur. Et parmi les caractéristiques du munharif, du mubtadi', annahu critique le gouverneur musulman. On répète. Même si ce gouverneur il est injuste, même si ce gouverneur il fait des péchés, même si ce gouverneur il a des manquements, on fait ad-du'a pour lui. On ne fait pas ad-du'a que pour les gens pieux. Le mu'min il fait ad-du'a pour ses frères, al-muslimin, bil-hidaya wa salah. Et vu que al-sultan, al-amir, il a une menzila à part, c'est lui sahib al-sultan, l'autorité. Le fait qu'il soit guidé, comme a dit le Cheikh Abdel Salam, est un énorme bien pour toute la communauté. قال وهذا أمر مشاهد معروف وهو أيضا منصوص عن السلف. Bien sûr, c'est clair que la guidée du sultan c'est un bien pour toute la communauté. Et كذلك personne من العقلاء الموفقين ne nie les bienfaits de faire dua pour son frère mu'min, gouverneur ou autre. Et c'est la voie des salaf. قال فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم أخرجه البيهقي في السنن. نعم عمر رضي الله عنه قال اعلموا أي sachez أن الناس لن يزالوا بخير. Les gens ils seront sur le bien ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم. Tant que les autorités, le gouverneur, ceux qui les dirigent ils sont sur le bien. C'est lié هذا. On qadr maintenant que ce gouverneur il accepte un nasiha. Allah subhanahu wa ta'ala il le guide. Un dua d'un mu'min et Allah subhanahu wa ta'ala il le guide maintenant. Et ce gouverneur il interdit l'alcool. Alhamdulillah c'est une ni'ma azima. Anta, tu peux pas interdire l'alcool dans un pays. Tu peux t'écarter, ne pas boire, ne pas acheter. Lakin tu ne peux pas interdire aux autres d'en boire ou d'en vendre. Al-Amir il peut. Hada c'est un exemple. Fama balouk s'il accepte un nasiha. Et Allah il guide son cœur et il suit la voie des salaf. Là, chacun d'entre vous y aura énormément de khayr. قال أخرجه البيهقي في السنن أي الأثر de عمر وفيه أيضا أي في السنن للبيهقي عن القاسم ابن مخيمرة أنه قال إنما زمانكم سلطانكم فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم. أي le lien entre l'époque où tu vis et le gouverneur. Si le gouverneur, il est guidé, il accepte la vérité, à l'époque où que tu vis, il y aura énormément de bien. S'il n'accepte pas la vérité, à l'époque où que tu vis, il y aura beaucoup de difficultés, beaucoup de char. L'importance de faire dua. C'est pour ça que Salaf, il faisait dua pour le gouverneur. Contrairement à ce que Ba'd al-Sufaha, il pense aujourd'hui. Quand ils entendent un sunni, un Salaf, il faire dua pour le hakim, ou dire, justement, qu'il ne faut pas se gouverner, ne faut pas se rebeller, ne faut pas les critiquer en public, ça pousse qu'au char. Directement, ils accusent de mudahana, de amala, annahu il est payé, annahu. Ha'oula, ils ne comprennent pas les choses et ne veulent pas comprendre les choses. Wa illa fassalaf, ils n'obéissaient pas au gouverneur. Et kadalik, ils ne faisaient pas des invocations pour le gouverneur en espérant, en échange, quelque chose de cette dunya, argent ou autre. Ils faisaient ça ta'abboudan lillah. Ça fait partie de notre aqidah. C'est pour ça que même un kitab, min kutub al-aqidah, Ou il a le sujet des gouverneurs, il est cité. On doit apprendre à ça, on doit éduquer les autres à la hada. Tout ce qui touche au gouverneur, c'est lié à notre dîn. Enfin, on doit se comporter comme c'est cité dans le Coran et dans le Sunna. قال ففي ومن هنا جاء اهتمام السلف بالدعاء للإمام وكان عمل المسلمين على ذلك. À l'époque des salaf, c'était connu. Et les musulmans, ils avaient l'habitude d'invoquer pour le gouverneur. قال ففي السنة للخلال أبي بكر رحمة الله عليه الإمام من أعلم الناس بمذهب الإمام أحمد عن أبي مسلم الخولاني رحمة الله عليه أنه قال عن الأمير إنه مؤمر عليك مثلك فإن اهتدى فاحمد الله وإن عمل بغير ذلك فادع الله فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل. Donc هذا الإمام أبو مسلم الخولاني من أئمة السنة رحمه الله il a clairement dit وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى. Si il est égaré, s'il a des manquements, s'il commet des injustices, s'il propage des péchés, فادع له بالهدى. On est tous d'accord, Allah Azza wa Jalla, il est capable de guider ce gouverneur et les gouverneurs. On ne doit avoir aucun doute sur cela. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hadi. Il guide qui il veut. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Donc vu qu'on a cette aqida, Allah il est capable de le guider, fama al mani'a. Ba'd an-nas, ils ne font pas du'a au sultan ou amir à cause de leur ignorance, d'autres à cause de leurs égarements. Et ka'anna il ne peut pas être guidé. Na'oudou billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de guider qui il veut, Azza wa Jal. Et ce Amir, ces gouverneurs, nos gouverneurs à l'époque où on vit, ils ont encore du bien, walillahi alhamd. Ils font salat, ils font le hajj, ils font le siyam, ils détestent certains péchés, ils aiment l'islam, ils aiment le prophète Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, je sais qu'il y a des manquements, là, je sais qu'il y a des injustices. Enfin, est-ce qu'avec tout cela, on doit désespérer? Fad'u lahu bil huda. وَلَا تُخَالِفْهُ فَضَضِلِ. Fais attention de ne pas te rebeller. C'est une voie qui mène à l'égarement. Belle, c'est de l'égarement. Le deuxième athar قال وَفِي الْحِلْيَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَّاضٍ رحمه الله أنه قال لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. Ça, ça montre fiqh هؤلاء. Ça a été rapporté عن الفضيل. كذلك d'autres imams من أئمة السنة. الفضيل رحمه الله قال أنه si il avait un دعاء, il était sûr que ce dua, il serait exaucé, il l'aurait réservé pour l'imam, pour le gouverneur. Qila wa kayfa dhalik ya Aba Ali. Ils lui ont dit, comment c'est possible ya Aba Ali? Pourquoi? Pourquoi tu réserverais ce dua qui est exaucé pour le amir? Il y en a là. La plupart des gens, ils auraient réservé ce dua pour eux, ou pour leurs parents, ou pour leurs enfants. Voilà, il a dit pour l'imam. Ça, ça montre fiqh haoula. Un homme, il regarde très très loin. قال متى صيرتها في نفسي لم تجزني. Et si je fais ce dua pour moi, le profit de ce dua va être restreint sur moi. Et il y a que moi qui vais en profiter. قال متى صيرتها في نفسي لم تجزني ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. أما si je fais ce dua pour l'imam et Allah subhanahu wa ta'ala il exauce ce dua. Maintenant tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqahu al-bitanat as-saliha. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que son entourage c'est des personnes pieuses, ses conseillers, ses ministres, ses proches. Kadalik tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui facilite de juger avec le Coran ou le Sunna. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui fait aimer la vérité. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Voilà, chacun, si le dua est exaucé, al-ibad wal-bilad, tout le pays va en profiter. Qala, faqabbala ibn al-mubarak jabhatahu, wa qala ya mu'allim al-khayr, man yuhsin hada ghayruk. Ibn al-mubarak, quand il a entendu hada, il a embrassé al-fudayl ibn Iyad sur son front, et il lui a dit ya mu'allim al-khayr, man yuhsin hada ghayruk. Lian ibn al-mubarak lui-même, c'est un grand imam, et il a compris. Cette parole et il a compris le profit et le mérite de هذا الإمام. ثالثا troisième أثر وفي السنة للخلال عن حنبل أن الإمام أحمد رحمه الله قال عن إمام المسلمين وإني لا أدعو له بالتزديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد وأرى ذلك واجبا علي. مع tout ce que l'imam Ahmed il a subi, ça nous montre que leur objectif c'était la vérité, de secourir la vérité, de propager la vérité, que kalimatullah hiya al-uliya, c'était ça leur objectif, que la parole d'Allah elle soit la plus haute, pas leur propre personne. L'imam Ahmed rahimahullah, il n'a pas voulu se venger. Ma'anahu, il a été emprisonné injustement, fouetté injustement, séparé de sa famille injustement. Au Ba'd al-Nas, une chose, vous avez remarqué, une chose dans la rue, une chose il voit. Les autorités matalan, ils ont mal fait une chose. Dans la rue, quelque chose de, probablement de futile, hein, un panneau mal placé matalan, et tu le trouves, yat'an fil imam, wa fil wazir, wa fil bilad, wa fil muslimin, jami'an de ce pays. Khasatan, pardon, ils ont l'habitude, fi bilad al-kufr, il y a une certaine inaya. Ils ont donné du temps à certaines choses. Matalan, la signalisation dans les routes, dans la chèque, que c'est mieux que bilad muslimin, dans certains cas. Et dans certains bilad muslims, ils ont de la inaya, là, tu peux trouver des manquements dans certains bilad, et tu le trouves critique. Le gouverneur. Mais ben, look, hada, s'il aurait été enfermé, au fouetté, qu'est-ce qu'il va faire, elle? Hada, il va plus jamais mettre les pieds dans bilad muslimin, il va les critiquer, là, il va nahar. Illa ayyasha Allah. Amma haoula, ils réfléchissaient pas comme ça. Les mahada, ils ont compris que, al-mas'ala, c'est mas'ala d'aqida. Et l'essentiel, c'est de préserver la communauté. Falihada l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, lors de son épreuve, il n'a pas appelé à la rébellion, alors qu'il pouvait de sa cellule. Sa parole, elle se serait propagée très très vite. Il était très connu. C'était la référence, rahmatullah alayh, à cette époque. Il n'a pas appelé à la rébellion. Bel, huna qal, inni la ad'u lahu bit tazdid wa tawfiq fil layli wa nahar wa ta'id. L'imam Ahmed, il a dit nuit et jour, j'invoque pour le gouverneur. Qu'Allah il lui facilite. Qu'Allah il lui guide. Ça montre quoi? Si on fait dua, qu'Allah il le guide, qu'Allah il améliore sa situation, c'est que Sunni reconnaît les manquements et les défauts du gouverneur, contrairement à ce que certains soufaha y pensent. Lakin, le mas'ala, c'est pas est-ce qu'il a des péchés ou pas, on est tous d'accord. Le mas'ala, c'est comment faire pour améliorer les choses. Amma ba'd al-ghula, les péchés, pour eux, ça les fait sortir de l'islam. Ça, c'est de l'égarement. Si c'est un musulman, ce qui le fait sortir de l'islam, c'est la mécréance. Amma, certains grands péchés, enfin, ça fait pas partie, ça fait pas sortir de l'islam. Ben, ce qui fait sortir de l'islam, c'est al-kufr wa shirk. Et nawaqid al-islam ma'roufa 'inda al-kathir. Fa hada. Qala hada, Sheikh Abd Salam, qala hada ba'd ma ja'a 'an as-salaf radiyallahu 'anhum fi hadhihi al-mas'ala. Wa huwa kama tara yantiqu bil-hath 'ala ad-du'a li wulati al-amr min al-a'imma bis-salah wa yu'akkid dhalik. فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله عز وجل في إصلاح السلطان. On est tous concernés. C'est un manquement, ya ikhwan, que on dit pas pendant toute ta vie, ou pendant des années, ou pendant cette année écoulée. Là, c'est un manquement. أن المسلم يمر عليه اليوم والليلة والأسبوع والشهر. Et aucune dua pour le gouverneur. C'est un manquement. On espère tous que la situation elle s'améliore. On espère tous que la sunna se propage. Une des principales causes, c'est si le gouverneur il est guidé. Si le gouverneur il accepte la vérité, tout va être facilité. L'ilm va être propagé, le munkar va diminuer. Les injustices elles vont diminuer ou cesser. C'est pour ça que n'oublie pas hadal khayr. Un dua pour Sultan, c'est un dua pour toi, pour tes parents, pour tes enfants. L'imam Aliana, tout le monde en profitera. Oulillahi alhamd, al-mu'min, il a du temps. On ne dit pas de faire un dua que pour les gouverneurs, là. Matalan fi sujoud dit que si tu fais dua pour le gouverneur, après, alhamdulillah, fais dua pour tes parents, fais dua pour toi-même. Thumma anout sujoud, fais dua pour tes enfants, wa hakad alhamdulillah. Qala, wa fi islah al-sultan. Ou qabla dhalik, on répète, فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله عز وجل في إصلاح السلطان وأن تبذل له النصيحة كما تقدم. الدعاء est celui qui peut conseiller, il conseille. وتخصه بالصالح دعائها. تأمل قوله وتخصه. أي un moment spécifique pour lui, avec son nom, مثلا. اللهم اهدي الملك فلان, الأمير فلان, أو الأمير, le gouverneur de tel pays. كذلك بالعموم, c'est نافع. Allahumma hdi, wasluh, hal, wulati l'umour. ou hukam al muslimin. Tout ça, il y a des fawaïd très profitables pour toute la umma. Et alam, anna mujarrad ad-du'a, tu es récompensé. لماذا لأن الدعاء عبادة الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم invoquer Allah c'est une عبادة فأنت الآن tu invoques Allah enfin, le fait d'invoquer tu as une énorme récompense قال وعلم أيها الموفق انتهى la parole précédente Cheikh Abdel Salam نقلها من السراج الملوك للطرطوشي comme c'est cité dans la note de bas de page ثم قال رحمه الله وعلم أيها الموفق أن من علامات كون المرء على السنة دعاؤه للإمام وأن من علامات أهل البدع والأهواء عدم دعائهم للإمام donc السني il est reconnaissable avec certaines caractéristiques certains aspects parmi ces caractéristiques أنه يدعو للإمام ça peut bien sûr arriver qu'il oublie l'akhira ou il ne savait pas لكن من علامات أهل البدع أنهم ils ne font pas دعاء للإمام ils détestent cela. Pour eux, c'est un munkar azim. Alors que, aqlan, sans revenir au texte et à la voix des salafs, même la raison, elle accepte Hada. Qu'est-ce que tu perds ? Si on fait dua pour lui, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout ce qu'il fait, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Evident. Bel dua lil kafir al mujrim al yahudi al khabith, c'est permis. C'est permis, celui qui fait dua qu'Allah Azza wa Jalla, il guide un juif, un chrétien. Ça ne veut pas dire qu'on les aime. Là, lakin, le fait de demander la guider, c'est mashrou'. فتتعجب احيانا qu'est-ce qui empêche هؤلاء اهل البدع de ne pas faire dua بل ils critiquent ceux qui font dua ça montre quoi ça montre ان ضلالهم الى اعتقاد c'est une croyance qu'ils ont ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser ils détestent le gouverneur pourquoi parce que c'est la voix des salafs de vouloir le bien pour le gouverneur, de lui obéir, il a akhir. C'est pour ça que ce gouverneur, quand il fait partie d'eux, il change totalement de position. Quand c'est un gouverneur qui ne fait pas partie de leur secte, de leur groupe, فَيَطْعَنُونَ فِي لَيْلًا وَنَهَارًا Pourquoi لِأَنَّ le but خَاصَّةً à notre époque الإخوان المسلمون الطلال un groupe qui fait beaucoup de dégâts. Et on doit tous mettre en garde contre هؤلاء الأشرار. Ils sont كثير à notre époque. في جميع البلدان leur objectif c'est d'accéder au kursi d'accéder au pouvoir c'est pour ça la taghtaru bi aqwalihim annahum ils veulent propager la vérité annahum ils veulent réinstaurer al-sharia le califa wallahi tout ça c'est du kadib dans certains bouldans ils ont pris le pouvoir et ils n'ont pas appliqué al-sharia abatel enfin eux leur but Ils sont en guerre contre les gouverneurs, les annahum eux-mêmes, ils veulent le pouvoir. La preuve que d'alik, même si un sultan, il fait du khayr, et il propage le khayr, comme c'est le cas dans beaucoup de bilad musulmans, alhamdoulilah, ils ne citent jamais hadahum. Ils ne citent jamais hadahum. Ils font tout, ils mentent, ils appuient sur les défauts et les péchés, que pour lui faire du mal. Bel yat'anoun fi wulat umur al-mamlaka al-arabiyya al-sa'udiyya, avec tout le bien qu'ils font et يحكمون بشريعة الله عز وجل ولله الحمد. Ça nous prouve هذا أن القوم ils sont pas حول ils sont pas حول الحق. Non, ils sont حول الكرسي. Tu leur donnes هذا الكرسي أي le pouvoir et ils seront satisfaits. قال اعلم أيها الموفق أن من علامات كون المرء على السنة دعاؤه للإمام. Donc si un مؤمن il fait دعاء Pour l'imam, c'est une alama, min alamat, annahu il est à la sunnah. Et en général, ha'oula, ils ont beaucoup de khayr. Limada li anna, c'est devenu une alama, et ça a toujours été une alama pour sunni, encore plus à notre époque. Tu trouves même une munharif, même une mubtil, illa wa yat'an fi wulat al-umur. Ils critiquent les autorités, les gouverneurs. Tu trouves as-sunni, as-salafi, al-wahid, avec walillahi alhamd, ba'd. العوام qui sont à la fitra et qui reconnaissent هذا الخير et qui connaissent la gravité de la rébellion contre le gouverneur انهم ils invoquent pour هؤلاء pour les gouverneurs ils invoquent le khair قال وان من علامات اهل البدع والاهواء عدم دعائهم للامام لمن طوت عليه قلوبهم من الغل على اجتماع الامه وتوحد صفوفها c'est ça la cause un allemand harif un mubtadi, il veut pas que la communauté se rassemble autour d'un gouverneur. Là, ils veulent eux que les gens ils les suivent. C'est différent. Un sunni veut pas être suivi. Là, un sunni il espère que la vérité elle soit suivie. Et pour que la vérité elle soit suivie, il faut qu'on se rassemble tous autour d'une chose, le Coran ou la Sunna, et encore plus si c'est le gouverneur qui met en application ces choses. Vous trouverez un ijtima' qawi. Et le mubtadi' dans ce cas-là, il se retrouve dans une situation très très délicate. C'est pour ça que le munharif, il khaf. Il n'espère pas que ce gouverneur, il suit ma yukhalif manhaja. L'imad ali annahu, il sait que ça peut lui faire du mal. Amma sunni, il espère que la communauté se rassemble autour de ce gouverneur. Barran kana ou vajiran. Tant que la communauté est rassemblée, et bien sûr faire des efforts. Min bab an-nasiha wa ad-du'a, pour que ce imam, il suit la guidée, on suit tous la guidée. Qala, wa fi hadha yaqul. العلامة البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة رسالة جميلة. Il a expliqué la voie des salaf. Et dans cette rissala, il a traité le sujet des gouverneurs. Parmi les points qu'il a cités, قال أي البربهاري رحمه الله عليه إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب السنة. C'est une des différences pour reconnaître السنة من البدعي. المستقيم من المنحرف السلفي من الخلفي من des différences c'est هذا قال رحمه الله si tu vois un homme faire un dua contre les gouverneurs لأن المصيبة c'est que certains ils font pas de dua pour le gouverneur بل ils font dua contre lui qu'Allah il l'anéantisse qu'Allah il le maudisse qu'Allah il nous débarrasse de lui qu'Allah نعوذ بالله فهذه c'est من علامات أهل البدع كما قال أهل العلم الإمام البربهاري et autres. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فعلم أنه صاحب سنة. Si tu vois quelqu'un qui invoque pour les autorités, pour le gouverneur, pour le roi, pour le président de ce pays musulman, فعلم أنه صاحب سنة. Bien sûr, tant que autre chose, ça ne le fait pas partir de la ça ne le fait pas sortir de la سنة. وإلا la base c'est qu'il est على خير. فالحذر يا إخوان. الحذر. Tu trouves بعض من ينتسب إلى السنة. Et il se dit salafi, il se dit sunni, il aime sunna, il fait des efforts. Bel Obama, il écoute des dourous, il achète des livres. Zama, ajib, tu le trouves dans Khassatan avec ses réseaux sociaux, tu le trouves un message. Hakada yata'an fi amir min al-umara. Ya ikhwan, ça fait pas partie de sunna, on doit pas prendre cela à la légère. Inda ahl sunna, pour eux, celui qui faisait cette chose, c'était plus un sunni. Il était qualifié de munharif, de mubtadi'. On doit craindre Allah. C'est pas simple. Pardon, mais critique le gouverneur ou le ministre. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu peux pas conseiller. Fais dua. On peut tous faire dua. Tu ne fais pas dua. C'est pas bon comme taqaddam, lakin qadr wahid ne fait pas dua. Au moins, préserve ta langue. Au moins, préserve ta langue. Et occupe-toi de ton nefs. On vit à une époque. Yadam billah, shaitan, il a égaré beaucoup de gens. Avec une chose, c'est quoi? C'est que il fait croire aux gens que les problèmes, ça vient que des autres. Tu trouves wahid chez lui, il a fait un crédit bancaire, riba. Qala azza wa jal, fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasouli. Pour ceux qui font riba. Tu trouves sa femme mutabarrija, rubama sa fille mutabarrija. Tu trouves des massa'ib chez lui. Tu trouves la situation de ses enfants catastrophique. Tu le trouves, ouais, il regarde le haram, il mange du haram. Thumma, il se lâche sur les gouverneurs. Ça vient de Shaitan. Ça vient de Shaitan. C'est pour ça que les hommes pieux qui font des efforts, ils reconnaissent Hada. Et tellement qu'ils ont connu la vérité, ils espèrent la vérité pour les autres. Contrairement à ces insouciants. Est-ce que c'est le gouverneur qui t'a dit de dévoiler ta femme? Ou que ta fille, elle sort dénudée? C'est le gouverneur qui te dit de boire de l'alcool, de fumer? C'est le gouverneur qui te dit de manger du haram? Là, le gouverneur, il te dit rien. Chez toi, comme il y a pour le wa'adou ahl al-ilm, chez toi, c'est comme une daoula. Chez toi, c'est comme une daoula. Et c'est toi l'amir. C'est toi le gouverneur de chez toi. Personne ne sait ce qui se passe chez toi. Walillahi alhamd. Ceux qui sont bilal kufr, ça peut être un danger. Ma fi bilal muslimin, alhamdulillah. Chez toi, tu es à la khir. C'est toi qui t'occupes tes enfants, de ton épouse, c'est toi le mas'ouliya. Personne ne te dira fais ou ne fais pas. Donc, Oula, soi-disant, ils critiquent le gouverneur, le ghayra, ils veulent la vérité. Applique hukm Allah chez toi. Applique la sharia chez toi. Dès que tu rentres chez toi, tu es dans un état qui applique la sharia. Et tu commences. Il n'y a pas de shirk. Faut pas de bid'a. Faut pas de haram. on n'accepte pas le péché, pas de médisance. Applique Hada. Applique Hada et tu verras. En appliquant Hada et en faisant des efforts sur toi-même, tu comprendras peut-être certains manquements que l'imam il a. Et tu auras un peu plus de rahma et tu demanderas la guider pour lui et pour toi. Hada. C'est comme ça qu'ils étaient, as-salaf. L'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, vu qu'il a été cité en exemple, il faisait beaucoup d'efforts. Ses enfants, c'est devenu des imams. Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal. Il a célèbre livre As-Sunnah. Et il a Az-Zawa'id ala Az-Zuhd de son père. Son père, il écrit Zuhd, kitab Zuhd de l'imam Ahmed. Il a été imprimé en un ou deux volumes. Et son fils, Abdullah, c'est lui-même un imam. L'imam Abdullah ibn Ahmed, lui-même, il a fait des ajouts. Hakada, at-tariqa as-saliha, les efforts. Tu les trouves avec tous ces efforts. Tous ces efforts. Et ils étaient très, très loin du haram. Par rapport à notre génération, mais là, tu les trouves, ils avaient beaucoup de miséricorde envers le sultan. Pourquoi ? Ils avançaient pour din, ils reculaient pour din. Leur objectif, c'était din, contrairement à Wahed. Zakar Ali, Akhmarra, Anna Wahed, Mina Souvaha, qui connaissait, Anna, oui, critiquait beaucoup les gouverneurs, certains les gouverneurs saoudiens. Mais Anna, vous allez voir la situation qu'il avait. C'est lui qui doit être critiqué. Et il n'a pas un teint, et loin de là, le niveau de ses gouverneurs. Fi Bilad al-Harami. Qui ont énormément de khayr. Avec des manquements. Ils ne sont pas infaillibles. Personne ne croit cela. Abadan. Lakin hadha ar-rajul, il critiquait donc les gouverneurs de ces pays. Il travaillait dans un endroit mixte. Dans une parfumerie. Fi ma adhkur. Fi Bilad al-Kufr. D'alamoun, les parfumeries, c'est l'endroit de la fitna. Des femmes qui entrent, des femmes qui sortent, des femmes qui travaillent, il était entouré de femmes. Et il serrait la main à Hadi et il parlait avec Hadi. Et il était habillé comme un kafir, pas comme un musulman. Et il mourit beaucoup de manquements. Et il critiquait. Marra le frère, il lui a dit, ah, foulani, taqillah. Et taqillah, regarde ta situation. C'est le gouvernement saoudien qui t'a dit de travailler dans cette parfumerie. C'est le roi d'Arabie Saoudite qui t'a dit de serrer la main à cette femme. Et taqillah, vi nafsik. On dirait un shaitan. Shaitan, comment il harbe le cœur de Haoula. Et on n'est pas à l'abri. On a Ansar Ikhwani de faire attention, surtout avec ces réseaux sociaux. Si vous avez des amis dans ces réseaux, des contacts, et ils ne veulent pas écouter le nasiha, écartez-vous d'eux. Wallahi, celui qui critique Haoula, il contredit la voix des salafs dans ce point, et celui qui contredit la voix des salafs, voilà, ou dans un point dans l'aqida, c'est pas une bonne fréquentation pour toi, abadan. Et an-nasiha fima baynana, on ne doit pas se laisser aller, fi hada. On ne doit pas se laisser aller. Un frère ou une sœur qui ont des faiblesses fi hada et qui ne maîtrisent pas leur langue, on leur conseille, on leur montre l'aqida, et on conseille al-jami' d'étudier l'ilm. Ce livre qu'on lit, c'est pas pour passer le temps, là, c'est pour mettre en application. On a compris ce livre. On ne critique pas les gouvernants musulmans jusqu'à ce qu'on meure. Ils font du bien, ils font du khayr, ils font du shar. Je peux les conseiller, je les conseille. Je ne peux pas, et c'est le cas de la plupart. Je fais dua pour eux et je m'occupe de moi. Yawm al-Qiyamah, je serai interrogé sur moi, sur mes enfants, sur ma responsabilité. Le gouverneur, il sera interrogé sur lui-même. Et je fais tout pour ne pas être une porte de shar. Les réseaux sociaux, autres. Je maîtrise cette langue et je maîtrise ces doigts. Et j'apprends mon dit. Et on se corrige nous-mêmes. Au lieu de regarder nuit et jour les manquements, les défauts du gouverneur, commence par toi, Akhil Karim. Commence par toi. On se connaît tous. Chacun connaît son nefs. Chacun connaît ses manquements, ses péchés. Et on se corrige et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Qala fa hada yufid. Nta kalam al-imam al-barbahari. Qala fa hada yufid anna du'a lil-imam muhimmun jiddan. Dharu al-ulama. Vu qu'ils ont de la science et vu qu'ils ont... Ils ont été éduqués, élevés sur cette science. Et vu que leur occupation, c'était cette science, Cheikh Abd Salam, rahimahullah, qala muhimun jiddan. C'est un point très, très important. C'est pour ça que si tu parles de ce point et tu trouves que wahed, il n'est pas d'accord, il trouve cela bizarre, c'est un ignorant. Là, on patiente avec lui, on lui montre. Peut-être qu'il a grandi, il a été éduqué dans une famille, dans un environnement où le gouverneur il est beaucoup critiqué, ça peut l'étonner au départ. Hein, on lui montre. Mais s'il est à la ilm et il rejette, il allame annahu c'est un sahib hawa. Il n'y a aucun doute fi hada. Qala, walida ja'alahu salaf min masail al-aqida. Ça, c'est un autre point. Avec tous les biens que ça renferme et le mal que ça peut provoquer si on ne respecte pas l'autorité du gouverneur, etc. كذلك سي ان بوان دو العقيده اي فيو كو سي ان بوان دو العقيده العقيده سي لا شوز لا بلوز امبورطون العقيده اي لا كرويانس قال فاودعوه مؤلفاتهم التي يربى عليها المسلمون صغارا وكبارا اي سي اون في دي زيفور بور apprendre notre dîne de nos livres, de ces livres, de, des livres des salafs et des savants de la sunna, anciens et contemporains, alhamdoulilah, on n'aura aucun problème dans cette mas'ala. Un sunni, un salafi, on le répète, il ne critique pas les gouverneurs musulmans. Abadan. Abadan, les gouverneurs de son pays ou un autre. Il ne critique pas. La mas'ala est claire dans les livres. Vous avez remarqué, on vient de lire. Et beaucoup de choses, c'est l'unanimité, le mas'ala, le wadiha, des paroles de beaucoup d'imams. Enfin, on doit faire attention. Anna, j'insiste, limada, Anna, j'ai vu, j'ai entendu certains qui se disent à la sunna. Et wallahi, quand tu l'entends dans le sujet des gouverneurs, on dirait que tu as un ikhwani ou un takfiri en face de toi, un kharidi ou un mu'tazili. On ne dirait pas que tu parles avec un sunni. Et beaucoup d'entre eux, haoula, c'est l'ignorance. Pardon, c'est les mauvaises fréquentations. Lakin, il faut tirer la sonnette d'alarme. Attention, attention, c'est un beubre khatir. Comme Inanas, ils ont commencé par Hava, ils ont fini avec le Khawarij. Bikuli wadouh. Qala rahimahullah, bel minal ulama, men afrada hada l'amr bi mu'allaf mustaqil. Kabn al-Hubayshi, Yahya ibn Mansour al-Harrani al-Hambali, al-Mutawaffa sanat 78-600, wa ismu al-kitab, da'aim al-Islam, fi wujub al-du'a lil-imam. Bel, certains imams, ils ont écrit des livres que sur ce point. On ne parle pas du sujet du gouverneur. Là, on parle que le fait de faire dua pour lui. Dua ou l'islam fait wujub dua l'imam. Ben, ce savant, le titre, il montre c'est une obligation de faire dua pour lui. Et ce livre, il est mafqoud. Qala dhakarahu ibn Rajab fi dhayl tabaqat al-halabina wa lam a'thir ba'd ala makhtouta al-kitab. Shahab, il n'a pas trouvé de manuscrit de ce livre et Allahu alam, il n'a pas encore été imprimé. Fala'allahu, c'est un livre qui a été perdu. Wallahu musta'an. Le sujet est cité dans les livres de Aqida sous forme de chapitre. Et le prochain cours, on essaiera de finir. Il reste Al-Fasl As-Sadis, le dernier chapitre avec quelques points. Enfin, le dernier cours, dimanche, Inch'Allah ta'ala, on essaiera de finir ce cours juste avant l'Aïd. Et on fera une pause pour l'Aïd, la semaine du Aïd. Et on reprendra les cours, inshallah ta'ala, la semaine d'après. Hayyakum Allah wa subhanakallahu bihamdik shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.